À l'école, scène 5, dans le gymnase. Il y a beaucoup d'activités chaque jour au gymnase. Aujourd'hui, sur la scène, Geneviève accorde sa guitare et les élèves du club de théâtre répètent la pièce « Chaos au carnaval ». L'équipe de basketball s'entraîne. Nicolas est le capitaine. Oh! Ces joueurs de basketball! Quel bruit ils font! Comment puis-je accorder ma guitare? Je ne peux pas entendre! Passe-moi le ballon, mon gars! On entend un boum sur la scène. Hey! Le ballon a frappé ma guitare! Fais attention! Excuse-moi, mais c'est toi qui te mets en danger. Toi et ta précieuse guitare. Tu t'assois là, quand nous nous entraînons ici. Écoute, j'ai autant le droit d'être ici que toi. Penses-tu que le sport est plus important que la musique? Minute là, moi aussi je joue de la musique. Donc, j'aime la musique autant que toi. Jen, c'est ça ton nom, Jenny? Je m'appelle Geneviève, s'il te plaît. Normand? Très drôle. Tu sais que c'est Nicolas, non? On fait la paix maintenant? D'accord. De quel instrument joues-tu? Je suis batteur. Je joue de la batterie. J'aime beaucoup la musique. J'essaie d'apprendre la guitare aussi, mais c'est difficile. Batteur? Bien sûr. Moi aussi, j'aime bien la musique. Peut-être que je peux te donner quelques conseils, des trucs pour jouer de la guitare. D'accord. Ce serait cool. Donne-moi ton numéro. Je vais t'appeler. Super! Et après la classe, est-ce que tu veux m'accompagner au carnaval d'hiver? On dit qu'il y a un spectacle formidable. Pourquoi pas? Je dois être là de toute façon. Mon groupe fait partie du spectacle.